إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes ce soir au chapitre 35 de Kitab al-Tawhid que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre La patience face au décret d'Allah fait partie de la foi en Allah. La patience face au décret d'Allah, cela fait partie des adorations les plus immenses par laquelle le serviteur se soumet à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des choses te permettant de perfectionner ton tawhid et de perfectionner ta foi. Car celui qui ne patiente pas face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors son impatience viendra affaiblir et diminuer son tawhid et sa foi. C'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans le livre de l'unicité. Il a donc dit que cela fait partie de la foi en Allah. C'est-à-dire que cela fait partie des branches de la foi, de patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi, comme l'ont défini les gens de la sunna, elle est parole de la langue, acte du corps et croyance du cœur. Elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance. Et la patience, elle rentre dans la généralité de cette définition. C'est donc une adoration faisant partie intégrante de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui est le premier des six piliers de la foi. Et la patience, elle désigne le fait de retenir son âme ou de la maintenir sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement des péchés. C'est pour cela que les gens de science ont mentionné que la patience est de trois catégories. La patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la patience face aux interdits d'Allah, et la patience face aux décrets douloureux d'Allah. Ceci sont les trois catégories de patience. La première, comme on a dit, la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu patientes et que tu contrains ton âme à accomplir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Même s'il y a en cela une certaine difficulté. En effet, il se peut que ton âme, elle ne supporte pas cette difficulté. Qu'elle veuille le repos, qu'elle ne veuille pas affronter la difficulté qui se trouve dans l'accomplissement de certaines adorations. Mais tu l'as contraint à patienter. Tu accomplis tes cinq prières en leur temps. Tu te lèves pour la prière du Fajr et tu délaisses le sommeil. Tu accomplis ce que tu peux parmi les prières de nuit. Tu jeûnes durant le mois de Ramadan et tu patientes en délaissant la nourriture, la boisson et des autres choses interdites durant le jeûne. Tout cela par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il fait donc preuve de patience dans l'accomplissement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Montre également la patience demandée dans la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui demande un haut niveau de patience. Également la patience dans la hijra, dans l'émigration. Celui qui émigre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant une terre de mécréance pour une terre d'islam. Même s'il y a en cela certaines difficultés ou certaines contraintes, à délaisser le pays où il a toujours vécu, à délaisser ses proches, à délaisser ses amis. Il patiente pourquoi? Par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois savoir que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut se concrétiser sans fatigue et sans effort de ta part. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la patience. Le deuxième type de patience, la deuxième catégorie, c'est la patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu patientes de sorte à t'écarter de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, même si ton âme a un penchant pour cette chose. Il se peut que l'âme de la personne soit incitatrice au mal. Il se peut que l'âme ait un penchant pour les désirs et les passions interdites. Mais tu te forces à patienter. Tu retiens ton âme pour l'empêcher de commettre cet interdit. Même si elle t'y pousse et t'y appelle. Même s'il y a des démons parmi les djinns et parmi les hommes qui t'incitent à commettre ce péché et qui essayent de t'encourager en l'enjolivant, en te faisant croire qu'il n'est pas si grave que cela, malgré cela, Tu contrains ton âme à délaisser ce péché par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que cela demande de la patience. Celui qui n'est pas patient, à la moindre tentation, il va plonger dans le péché. Dès que le péché va se présenter à lui, il va le commettre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas patient. Il n'a pas été patient face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci n'est pas forcément une chose facile, et que cela demande de toi de grands efforts, afin d'apprendre à dominer ton âme, et la contraindre à ne faire que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci demande de grands efforts. Le troisième type de patience, c'est la patience face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu tombes malade, ou alors lorsque tu es touché par une épreuve, que ce soit une épreuve physique, une épreuve financière, une épreuve familiale, la perte d'un proche ou autre chose semblable, tu te dois de patienter et ne pas t'indigner, ne pas être en colère en raison de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Ceci fait pleinement partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la patience lors des difficultés. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, wa bashir as-sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux patients, aux endurants. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui, lorsqu'une calamité les atteint, ils disent cette parole, إنا لله, nous appartenons à Allah, وإنا إليه راجعون. Et c'est vers lui que se fera notre retour. Le fait de prononcer cette parole est une manière de reconnaître que cette épreuve, elle ne s'est produite que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Donc, tu ne t'indignes pas face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu patientes. Et tu n'es pas en colère en raison de ce qui est arrivé. Tel doit être le comportement du croyant face aux difficultés. Non pas comme ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, s'indignent, font ou prononcent des choses qui sont contraires à la patience et s'y opposent, et desquelles le musulman doit s'éloigner. Car cette forme de patience, la patience face au décret douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nécessite de toi trois choses. La première est que tu retiennes ton âme de tout sentiment d'indignation. C'est-à-dire que tu n'as pas d'indignation dans ton cœur. Tu n'es pas en colère en raison de ce qui t'arrive. Il se peut que cela soit difficile. Il se peut que tu aurais aimé ne pas être malade, être en bonne santé, ne pas avoir d'accident, être préservé, et ainsi de suite. Il se peut que tu aies ce sentiment. Mais tu ne dois pas t'indigner, être en colère en raison de cette situation. Tu retiens donc ton âme contre ce sentiment. La deuxième chose qui est attendue de toi, c'est que tu retiennes ta langue de toute parole qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de manifester son indignation et sa colère par certaines paroles, comme ceux qui disent lorsqu'ils sont éprouvés, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Ou d'autres paroles semblables. Ceci s'oppose à la patience. Il ne convient pas aux croyants de prononcer de telles paroles. Également, entre dans cela le fait de retenir ta langue de toute plainte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te plains pas de ta situation. Mais si pour toi l'épreuve est douloureuse, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te facilite, afin qu'il améliore ta situation, qu'il t'aide à patienter, qu'il t'aide à supporter cette épreuve, qu'il te donne la force de faire face à cette épreuve. C'est cela qui te sera profitable. Quant au fait de te plaindre auprès des créatures, de tes douleurs, de ton épreuve, de tes malheurs, ceci ne comporte aucun bien et aucune utilité pour toi, ni ici-bas ni dans l'au-delà, et ne fait en réalité qu'aggraver ce sentiment que tu ressens face à cette épreuve. Il n'y a donc pas d'utilité en cela. On rapporte d'un des imams parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'il était un jour malade et a soupiré. Alors un autre en sa présence lui a rappelé que ce soupir était noté par les anges. Alors il a immédiatement cessé, rahimahullah ta'ala. Et tel doit être le comportement du croyant lors des épreuves et des difficultés. La troisième chose qui est attendue de toi est que tu retiennes ton corps de tout ce qui déplaît à Allah. Comme on va le voir dans les hadiths, certaines personnes, lorsqu'ils sont éprouvés, lorsqu'ils perdent un proche, lorsqu'ils sont atteints d'une calamité, qu'ils ont un accident, qu'ils ont une maladie, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à se frapper le visage, à déchirer leurs vêtements, à casser tout ce qu'il y a autour d'eux, à taper sur les murs, à taper sur les portes et autres choses semblables. Et ceci s'oppose à la patience et c'est une forme d'indignation. Celui qui fait cela, il n'a pas été patient. Il est tombé dans l'interdit en s'indignant face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Il incombe donc au musulman, face à toute calamité qui le touche, quelle qu'elle soit, que ce soit sur son corps, sur ses biens, sur sa famille ou autre, de faire preuve de patience en retenant son âme, sa langue et son corps de toute forme d'indignation. Il est rapporté du prince des croyants, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, une parole immense, par laquelle il nous indique l'importance de la patience en islam. Il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, la patience dans la religion est l'équivalent de la tête pour le corps. Celui qui n'a pas de patience n'a donc pas de foi. Allahu Akbar. Méditez sur cette parole immense. La patience dans la religion, elle est comme la tête pour le corps. S'il n'y a pas de tête, il n'y a plus de vie. Le corps va mourir. Et tel est le rang de la patience en ce qui concerne la foi. Celui qui n'a pas de patience, il n'a pas de foi. Celui qui ne patiente pas dans l'obéissance à Allah, qui ne patiente pas face aux interdits d'Allah, qui ne patiente pas face aux décrets douloureux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où est sa foi? Celui qui se retrouve dans cette situation, il doit donc se corriger et tout faire pour se réformer. Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il a vu qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, avait mentionné la patience dans le Coran à 90 reprises. Ceci nous montre l'importance de la patience dans notre religion. Il est donc obligatoire pour le croyant de patienter face à tout ce qu'il peut rencontrer durant sa vie, comme problème, comme difficulté, comme calamité, comme épreuve, afin d'agir toujours, quelle que soit la situation, de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu patientes donc face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tu sais que rien ne se produit dans ce bas monde si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Si cette épreuve t'a atteint, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a décrété. Et il n'y a aucun moyen pour toi d'éviter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tirer profit de cette épreuve, en te comportant d'une manière qui te permettra d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en faisant preuve de patience. Et lorsqu'on dit faire preuve de patience face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce car les décrets plaisants, il n'y a pas de difficulté à y faire face. Au contraire, l'âme a un penchant pour cela lorsque la personne est en bonne santé, lorsque la personne gagne de l'argent, lorsque la personne a une bonne situation familiale, lorsque la personne est heureuse. Ceci est une chose plaisante pour l'âme. Toutefois, cela nécessite également une forme de patience, afin que ce moment d'aisance, ou cette facilité qui t'a été accordée, ce bienfait dont tu as été comblé ne soit pas une cause pour t'éloigner de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que quelle que soit la situation, tu dois faire preuve de patience. Et ici la patience, c'est quoi? C'est que tu sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sois reconnaissant pour ce bienfait qu'il t'a accordé. Et entre dans la reconnaissance le fait de l'utiliser dans son obéissance. Et que ce bienfait ne te détourne pas de son adoration. Que ce bienfait ne te pousse pas à commettre des péchés, ou à délaisser le bien que tu avais l'habitude d'accomplir, et ainsi de suite. Ceci entre dans la généralité de la patience, dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le shir dans ce chapitre, il nous a mentionné un verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et quatre hadiths. Le verset est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Ceci est donc une partie du verset 11 de Sourate At-Taghabun. Et ce verset, il commence comment? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celui-ci: Ma asaba min musiba illa bi idhnillah. Aucune calamité ne survient si ce n'est par la permission d'Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalba. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Aucune calamité ne survient. C'est-à-dire que toutes les calamités qui se produisent sur terre, tout ce qui t'atteint comme difficulté, et ce, depuis le début de la création jusqu'au jour de la résurrection, tout cela fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui se produit ici-bas sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait décrété. Il ne se produit que par sa permission, c'est-à-dire par son décret. Et celui qui croit en Allah, celui qui a la foi en Allah, Allah guide son cœur. Le Shir rahimahullah ta'ala, pour nous expliquer le sens de ce verset, il a mentionné une parole de Alqama. Alqama qui fait partie des grands savants des Tabi'in, des disciples des compagnons et notamment C'est un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, Al-Qama, il a dit au sujet de ce verset: c'est l'homme qui est atteint d'une calamité et il sait qu'elle provient d'Allah, alors il agrée et se soumet. L'homme est atteint d'une calamité, que ce soit sur sa personne, sur ses biens, sur ses enfants, sur sa famille, sur ses proches. Il ne s'indigne pas. Il sait que cette épreuve provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cette calamité. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété se passe inévitablement. Il n'y a pas possibilité de l'éviter. Donc, lorsque l'épreuve l'atteint, il ne dit pas « Si j'avais fait cela, ceci ne me serait pas arrivé. Si je n'avais pas été là-bas, je n'aurais pas eu d'accident. S'il ne s'était pas rendu là-bas, il ne serait pas mort, et ainsi de suite. » Car le croyant, il a la ferme conviction que si cette calamité l'a touché, c'est qu'elle a été décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y avait donc aucun moyen de l'éviter. Par conséquent, celui qui a la foi en Allah, Allah guide son cœur. Il guide son cœur à la patience. Il guide son cœur à l'agrément. Il guide son cœur afin qu'il ne s'indigne pas face à cette épreuve. Alors son cœur est apaisé, car il sait que ce qui lui arrive provient de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il se soumet donc au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ce verset qu'Allah a très clairement nommé cette patience et cet agrément lors de l'épreuve et la calamité comme faisant partie de la foi. Il a dit « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ » Et celui qui a la foi en Allah, il guide son cœur. Il guide son cœur à la patience et l'agrément. La patience face au décret d'Allah fait donc partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme le shaykh nous l'a mentionné dans le titre de ce chapitre. Et cette patience, elle va te procurer beaucoup de bien-être. Elle va éloigner de toi toute forme d'angoisse et d'inquiétude, car tu vas accepter tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette chose soit facile ou difficile. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala va guider ton cœur en t'accordant la clairvoyance. Et ceci fait partie des bienfaits de la patience. La personne, lorsqu'elle patiente, elle y voit plus clair. Elle ne s'empresse pas dans ses choix. Elle ne fait pas des choses insensées. Elle ne commet pas des choses s'opposant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, parmi les paroles, parmi les actes, et ainsi de suite. Mais en patientant, tu y vois plus clair. Tu prends le temps d'agir. Tu prends le temps de te rappeler que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et que tout ce qui t'atteint comme épreuve, cela provient de tes péchés. Donc, tu ne t'indignes pas, tu n'es pas en colère, mais tu te remets en question et tu te corriges. Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, te repens, multiplie les œuvres de bien, t'écarte des péchés que tu as pu commettre, les regrette. Et si tu agis ainsi, alors cette calamité qui t'a touché sera un bien pour toi. Contrairement à celui qui va s'indigner, qui va obtenir tout le contraire. Il sera toujours dans l'inquiétude et dans l'angoisse. Il ne sera pas stable. Car en réalité, il ne sait pas comment se comporter. Cette indignation lui fait oublier qu'il ne pouvait pas échapper à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Elle lui fait oublier également que la cause de cette calamité, c'est ses propres péchés. C'est lui la première cause de cette épreuve, car il a commis des péchés. Mais il ne va pas profiter de cette épreuve, car celle-ci ne va pas le pousser à se repentir. Elle ne va pas le pousser à se remettre en question étant donné qu'il s'indigne. Il est pris de colère. Il prononce des paroles qui déplaisent à Allah. Il a des agissements qui s'opposent à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc il ne tire pas profit de l'épreuve. Au contraire, celle-ci va augmenter ses péchés. Et si ses péchés augmentent, alors la calamité va augmenter. Il aura ainsi perdu l'occasion de se repentir et de se remettre en question, qui est l'un des plus grands bénéfices des épreuves qui nous atteignent. Donc ce verset, il nous prouve trois points très importants. Premièrement, que toutes les calamités qui nous atteignent, elles sont décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que le fait d'agréer et de patienter face à ces calamités, ceci fait partie des branches de la foi. Troisièmement, cette patience, elle sera la cause de la guider de ton cœur vers le bien et le renforcement et l'augmentation de ta foi et de ta certitude bi'inillahi ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné un premier hadith et il a dit. On trouve dans l'authentique de Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux caractéristiques présentes chez les gens qui sont des formes de mécréance, le dénigrement des origines et les lamentations sur le mort. Deux caractéristiques présentes chez les gens, c'est-à-dire l'ensemble des hommes, même parmi les musulmans. Il y a certains musulmans chez qui on retrouve ces caractéristiques qui font partie des caractéristiques des gens de la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement dit que ce sont des formes de mécréance. Et ce qui est visé par la mécréance ici, c'est la mécréance mineure, non pas celle qui fait sortir la personne de la religion. Donc ce n'est pas toute personne qui commet une forme de mécréance qui sort forcément de l'islam, car la mécréance est de deux sortes. Il y a la mécréance majeure, dont l'auteur sort de la religion, et il y a la mécréance mineure, qui fait partie des grands péchés, mais dont l'auteur ne sort pas de la religion de l'islam. La première de ces caractéristiques qu'il a mentionnées dans ce hadith, c'est le fait de dénigrer les origines. On en a déjà parlé dans un cours précédent. Ceci fait partie des caractéristiques des gens de la jahiliya. Il ne convient pas aux musulmans de se dénigrer en fonction de leurs origines. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait parmi nous des peuples et des tribus simplement afin que nous puissions nous reconnaître, ni plus ni moins. Et ton origine, elle ne te sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'es pas pieux. Même si tu es issu de la famille la plus vertueuse au monde, si toi tu n'es pas pieux et que tu empruntes une autre voie, alors tes origines ne te seront d'aucune utilité. Car ce qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ta piété. La deuxième caractéristique qu'il a mentionnée dans ce hadith, et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est le fait de se lamenter sur le mort. La lamentation, ce qui est visé par celle-ci, c'est le fait de manifester de l'indignation, de manifester de la colère suite au décès d'une personne, comme le faisaient les gens de la jahiliya. Et ce qui est attendu du croyant, suite à la perte d'un proche, c'est de patienter et de ne pas s'indigner. Et ceci est une obligation. Et cela ne veut pas dire que cette épreuve ne sera pas douloureuse, que tu ne vas pas t'attrister, que tu ne vas pas pleurer. Car il n'y a pas de mal en cela, il n'y a pas de mal à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pleuré lors de la perte de son fils Ibrahim. Il a dit: les yeux pleurent, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Médite sur cette phrase immense. Mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. C'est ainsi que doit être le croyant face aux épreuves. N'avoir dans son cœur, ne dire et ne faire que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit: nous sommes certes tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc pleuré par compassion et par miséricorde. Ceci fait partie de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans nos cœurs. Et nul parmi nous ne peut se retenir de cela, car c'est une chose de naturelle. Il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Mais ce qui est interdit, c'est de se lamenter, de s'indigner, de dire: il était encore jeune, il méritait une longue vie, il ne méritait pas ça, ou autre encore, parmi les paroles que les gens peuvent prononcer. Et ceci fait partie des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que c'est une forme de mécréance. C'est une forme de mécréance mineure. Ce n'est donc pas à prendre à la légère. Donc le verset nous a prouvé que la patience, elle fait partie de la foi, et ce hadith, il nous prouve que l'indignation, qui est le contraire de la patience, elle fait partie de la mécréance, qui est le contraire de la foi. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, et il rapporte tous deux, c'est-à-dire al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui attribue la parole suivante au prophète, sallallahu alayhi wa sallam: n'est pas des nôtres celui qui se frappe le visage, déchire ses vêtements, et celui qui lance un appel du temps de la jahiliya. N'est pas des nôtres, c'est une parole que l'on retrouve dans de nombreux hadiths. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre un péché de cette manière, c'est une façon de nous avertir contre le danger et la gravité de ce péché. Et cela nous indique qu'il désavoue l'auteur de ce péché. Cela ne veut pas dire qu'il sort de la religion de l'islam, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Mais c'est une manière de te montrer la gravité de cet acte, afin que tu t'en écartes, tu t'en éloignes, et que tu comprennes que c'est un grave péché. C'est donc une forme de menace. Et ce qu'il a mentionné dans ce hadith, se frapper le visage, se déchirer les vêtements, comme on a dit, cela fait partie des formes d'indignation, desquelles le musulman doit s'écarter. Comme on a vu, tu dois retenir, lors de l'épreuve, ton âme de toute forme d'indignation, mais également ta langue et ton corps. Et celui qui se frappe le visage déchire ses vêtements, casse ce qui est autour de lui, jette ce qu'il a dans les mains, ou autre parmi les choses qui peuvent être commises par les gens. Alors celui-ci n'a pas patienté, mais il s'est indigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désavoué. Ensuite, il a dit, et celui qui lance un appel du temps de la jahiliya, c'est-à-dire que lorsque l'épreuve l'atteint, il prononce une des paroles de lamentation qui était connue au temps de la jahiliya. Et entre également dans cela, dans l'appel du temps de la jahiliya, tout appel au fanatisme, au tribalisme, au nationalisme, au sectarisme, et ainsi de suite. Le fait de se fanatiser pour une personne, ou de se fanatiser pour un madhhab, une école de jurisprudence, ou de se fanatiser pour un savant, celui qui appelle à cela, il a lancé un appel du temps de la jahiliya. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, ce qui est visé par l'appel de la jahiliya, c'est toute personne qui se fanatise pour un avis, pour un madhhab, ou qui se fanatise pour une tribu. Donc entre dans cela le sectarisme, le nationalisme, et ainsi de suite. Il est donc interdit pour le musulman de se fanatiser, ni pour un savant, ni pour un madhhab, ni pour quoi que ce soit d'autre. Il y a des gens aujourd'hui, ils se fanatisent pour les madhhab, pour les écoles de jurisprudence. Ils n'acceptent qu'un seul madhhab. Lorsqu'il se pose une question sur son adoration, il ne dit pas « Qu'est-ce qui est légiféré dans ma prière? Qu'est-ce qui est légiféré dans mes ablutions? » Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé cela? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait-il la prière? Comment faisait-il les ablutions? Il ne pose pas ces questions-là. Non, il demande quel est l'avis du madhhab concernant la manière de faire la prière? Quel est l'avis du madhhab concernant la manière de faire ses ablutions? Ainsi de suite. Ne cherche pas la vérité, il cherche l'avis du madhhab simplement. Il se fanatise pour celui-ci. Si tu lui présentes un autre avis, démontré par les textes du Coran et de la Sunna, il le rejette. Pourquoi il va te dire, moi je suis Maliki, moi je suis Hanbali, moi je suis. Mais avant cela, tu es musulman et tu te dois de te soumettre aux textes du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas de gêne à ce que tu apprennes la jurisprudence en suivant un madhhab lors de ton apprentissage. Mais si au cours de ton cheminement, on te présente la faiblesse d'un des avis du madhhab et qu'on te démontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela ou n'a pas légiféré cela de cette manière, tu te dois de rejeter l'avis du madhhab. Et tu n'es plus excusé une fois que la preuve t'a été présentée. Il fait donc partie du fanatisme de rejeter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous prétexte du suivi d'un madhhab. Et les quatre imams rejetaient cela. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad rahimahumullah ta'ala, tous, ils ont rejeté le fait qu'on les suive au détriment du suivi d'un hadith. Ils ont tous dit des paroles dans le sens, si ma parole s'oppose à un hadith, alors jetez-la contre le mur. Mais aujourd'hui, il y a des gens, non, qui veulent faire renaître le fanatisme pour les madhahib. Ils appellent à ce que les gens se conforment de manière absolue à un madhhab et rien d'autre. Donc médite sur ce hadith ici, n'est pas des nôtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam désavoue celui qui lance un appel de la jahiliya. Et entre dans cela le fanatisme pour les madhahib. Il est donc obligatoire pour le musulman de suivre la vérité, qu'elle provienne de l'imam duquel il se réclame, de son école, ou alors qu'elle provienne d'autre que lui. Car ce qui t'incombe, c'est le suivi de la vérité, le suivi du Coran et de la Sunna. Aussi honorable soit le savant ou l'imam, aussi éminent soit son rang au sein de la communauté, s'il prononce une parole qui s'oppose à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors sa parole en aucun cas ne doit être acceptée. Et celui qui le suit en connaissance de cause, qui a connaissance du hadith, qui a connaissance de la vérité, et qui se fanatise pour l'avis de cet imam, l'avis de ce savant, l'avis de ce madhhab, il s'est alors rendu coupable de cette forme de fanatisme qui fait partie de l'appel de la jahiliya. Et l'obligation pour chacun d'entre nous, c'est d'accepter la vérité même si elle nous est présentée par une personne pour laquelle nous n'avons pas d'estime. Car le retour à la vérité est bien meilleur que le fait de persister sur le faux. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième hadith et il a dit, d'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'Allah veut le bien pour son serviteur, il hâte pour lui le châtiment ici-bas. Et lorsqu'il veut le mal pour son serviteur, il retient son châtiment en raison de son péché jusqu'au jour de la résurrection. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour son serviteur, Il hâte pour lui le châtiment ici-bas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les malheurs qui t'atteignent, les difficultés, les maladies, et ainsi de suite parmi les épreuves, c'est en réalité un bien pour toi. C'est un signe t'indiquant qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour toi. Car nous commettons tous de nombreux péchés. Personne parmi nous est infaillible. Mais nous commettons des péchés qui sont la cause de ces calamités. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour son serviteur, il hâte pour lui le châtiment ici-bas en raison de ses péchés, afin de le purifier de ses péchés, et qu'il arrive dans l'au-delà sans ne porter aucun péché, et qu'il puisse ainsi entrer au paradis. Et ce, bien sûr, s'il s'est comporté comme il se doit face aux épreuves. On ne parle pas ici de celui qui s'indigne, car celui qui s'indigne, ce sera un mal pour lui. Mais celui qui patiente, l'épreuve sera pour lui une cause de la purification de ses péchés. Et lorsqu'Allah veut un mal pour son serviteur, il retient son châtiment. C'est-à-dire malgré que le serviteur commet des péchés, qu'il est sans cesse plongé dans la désobéissance, qu'il transgresse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les négligeant ou les délaissant, et qu'il transgresse ses interdits en les commettant. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala continue de le combler de bienfaits. Il lui donne la santé, il n'est pas malade. Il lui donne l'argent, il n'est pas en difficulté financière, et ainsi de suite. Et lui, il pense que si telle est sa situation, alors c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de lui. Mais en réalité, ceci est un mauvais signe, car cela signifie qu'il n'est pas purifié de ses péchés. Il retient donc son châtiment, malgré ses péchés, jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala sans que ses péchés n'aient été expiés. Il sera donc châtié pour ses péchés au jour de la résurrection. Donc ceci est une preuve que le fait d'être toujours en bonne santé, que le fait d'être toujours dans l'aisance, que le fait d'être toujours dans la facilité, ceci n'est pas un signe de bien. Car tu sais très bien que tu commets des péchés. Tu n'es pas parfait. Donc ces péchés, ils ont besoin d'être purifiés. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour son serviteur, il hâte pour lui le châtiment ici-bas. C'est-à-dire qu'il descend sur lui des calamités, des maladies, des épreuves et ainsi de suite, afin de le purifier de ses péchés. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un quatrième hadith et il a dit: Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La grandeur de la récompense est à hauteur de la grandeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Celui qui est satisfait aura la satisfaction et celui qui s'indigne aura la colère. La grandeur de la rétribution, c'est-à-dire la grandeur de la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera à hauteur de la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire que si tu patientes lors des épreuves, que tu ne t'indignes pas, alors plus l'épreuve sera difficile, plus ta récompense sera grande bi'idhnillahi ta'ala. Il y a donc un grand bien dans cette épreuve. Il se peut que tu sois touché par la perte de tes biens, la perte de ton argent. Il se peut que tu sois touché par la perte d'un proche. Il se peut que tu sois touché par différentes sortes de difficultés. Il y a des personnes qui sont toujours plongées dans de nombreuses difficultés. Et les difficultés, elles s'enchaînent les unes après les autres. Mais s'il est croyant et qu'il patiente, c'est un bien pour lui. Car la récompense, elle sera à hauteur de ses difficultés, tant qu'il fait preuve de patience et ne s'indigne pas. Tu vois donc l'erreur de ceux qui s'indignent et se plaignent d'être souvent en difficulté ou d'être souvent malades, et ainsi de suite. Ceux qui disent j'en ai marre, c'est toujours à moi que ça arrive, j'en ai marre, je suis toujours malade, j'en ai assez de cela, j'en ai assez de ceci, ainsi de suite. Subhanallah. S'il n'avait pas prononcé ces paroles, qu'il avait patienté, il aurait eu une immense récompense à hauteur de ses difficultés. Et cette épreuve aurait été pour lui un bien. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve. Cela t'indique que la présence de ces épreuves, de ces calamités qui atteignent les musulmans, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Étant donné qu'il les aime, il les éprouve afin de les alléger de leurs péchés, afin qu'ils viennent au jour de la résurrection, délivrés et débarrassés de leurs péchés. On comprend donc que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il ne va pas les éprouver. Les épreuves et les calamités seront moins nombreuses pour eux, et ce afin qu'ils viennent au jour de la résurrection avec leurs péchés pour être châtiés en raison de cela. Tu comprends donc l'erreur que font nombre de personnes en comparant la situation des musulmans dans certains pays avec la situation des mécréants dans d'autres pays. Il y a des gens qui disent: oui, mais regarde, les musulmans, ils sont en retard, ils sont ceci, ils sont cela. Dans tel pays, il y a tel et tel méfait qui sont propagés alors que chez les mécréants il n'y a pas ceci et cela et ainsi de suite. On entend souvent ce genre de paroles. Et les gens pensent que ceci est un signe de bien pour les mécréants et un signe de mal pour les musulmans. Mais si tu médites sur ce hadith, ainsi que le hadith précédent, tu comprends très clairement que toutes ces calamités qui touchent les musulmans, que ce soit les guerres, que ce soit les maladies, que ce soit les catastrophes comme les tremblements de terre ou autres, tout ceci sont des épreuves qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala expie leurs péchés et qu'ils se remettent en question et reviennent à lui et se repentent. Il y a donc une grande sagesse en cela. Quant aux mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit à leur sujet dans son noble livre? Il dit dans Sourate Ali Imran, au verset 176, Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Allah veut ne leur donner aucune part de l'au-delà. Il se peut qu'ici-bas, ils aient des grandes parts de ce bas monde, qu'ils aient des richesses, qu'ils aient des palais, qu'ils aient ceci et cela. Mais Allah ne veut ne leur donner aucune part dans l'au-delà. Il dit ensuite au verset 178, Innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin. Nous leur accordons un délai pour qu'ils augmentent en péché et ils auront un châtiment avilissant. Telle est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il aime un peuple, il les éprouve, il les atteint par des calamités, afin de les purifier de leurs péchés et de leur permettre de se remettre en question et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est satisfait aura la satisfaction. C'est-à-dire celui qui est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui. Et celui qui s'indigne, celui qui est en colère contre le décret d'Allah, qui s'indigne dans son cœur, ou par les mots qu'il prononce, ou par les actes qu'il fait, alors il aura la colère, il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous indique donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de nous lorsqu'il nous éprouve, que nous soyons satisfaits de ce qu'il a décrété pour nous, et que l'on patiente et que l'on ne s'indigne pas. Car comme on a dit, ces épreuves, ce sont des tests, afin de distinguer le patient de celui qui s'indigne, le véridique du menteur, le vrai croyant de l'hypocrite. Tu dois considérer chaque calamité comme un test, et tu peux toi-même observer le résultat de cette évaluation. Est-ce que tu as patienté ou non? Si tu as patienté, que tu ne t'es pas indigné, alors tu as réussi ton épreuve, inshallah ta'ala. Et cette épreuve sera un bien pour toi. Et plus elle est grande, plus ta récompense sera grande. Mais si tu n'as pas patienté, que tu t'es indigné, que tu t'es plaint, que tu as agi d'une manière qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu n'as pas réussi ton épreuve. Et cette épreuve est en réalité un mal pour toi. Wallahu al-musta'an. On voit donc à travers tous ces textes que toutes les calamités qui nous atteignent proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il incombe aux musulmans de faire preuve de patience face à celle-ci, de ne pas s'indigner, et s'il agit ainsi, il en tirera d'énormes profits, car il aura une rétribution immense dans l'au-delà de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala guidera son cœur en lui accordant la clairvoyance et en renforçant sa foi et en la faisant augmenter. On a donc terminé avec ce chapitre. On verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala, le chapitre au sujet de l'ostentation. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.